Chanson qu'on m'avait appris à la guitare. Il est libre, Max. C'était cool, le prof. Je mets un baba cool. C'est quoi les paroles? Comment il s'appelait ce mec? Google. Il est libre. Max. Hervé Christiani. Avec un nom comme ça. Hervé Christiani. Je suis Hervé Christiani. Si, Hervé Christiani, 1982. J'avais 12 ans. Putain, c'est pas tout, ça nous met pas tout jeune, ça. Aimer de la magie, oh c'est beau. Des crabes, et il ne joue pas les homards, il ne cherche pas à tout prix à faire des buts dans la mare. Il est libre, Max, il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Tout le monde avec les yeux. j'en ai oublié. Quoi d'autre comme chanson, Hervé Christiani ?